Oulante, la fille de l'orfèvre. Un orfèvre dans sa boutique comptait perles et joyaux. Le bijou le plus magnifique que je trouve en ma fabrique, c'est toi, mon tourtereau. Survient un galant chevalier. Salut, fille jolie, salut, mon brave joaillier. Fais-moi le plus beau collier pour ma gentille amie. Quand la guirlande toute prête se joue en mille feux, Hélène, qui penche la tête, la prend en main et s'arrête, des larmes dans les yeux. Ah, qu'heureuse est la fiancée qui reçoit son cadeau. D'ennui, je serais moins glacée si de rose ou de pensée il ornait mon chapeau. Revient le galant chevalier. L'ouvrage, il examine. Fais-moi, mon brave joaillier, pour son doigt beau prisonnier, la bague la plus fine. Et quand la bague est toute prête, avec main diamant, Hélène, qui baisse la tête, la passe à moitié, s'arrête et cache son tourment. Que bienheureuse est son amie de porter cet anneau. S'il me donnait par fantaisie boucle de cheveux jolis, mon sort serait bien beau. Entre bientôt le chevalier, la bague il examine. Ton œuvre, brave joaillier, est digne du médaillé auquel je le destine. Mais pour en voir l'heureux effet, approche un peu, ma fille, je t'essaierai, si l'on permet, ces bijoux, amour secret d'une enfant très gentille. C'était un dimanche matin. Au fond de la valise, Hélène, au lieu d'habit de lin, a pris robe de satin pour aller à l'église. Le front coloré de pudeur devant lui prenant place, à son cou le collier d'honneur, à son doigt l'annelet passe. Puis le galant seigneur. Douce Hélène, Hélène chérie, le jeu tira sa fin. C'est toi, ma toute belle amie, à toi cette pierrerie, à toi ce riche écrin. Parmi l'or et les diamants, tu passas tes journées. Ce me sont des signes charmants qu'avec moi, comme printemps, couleront tes années. Il n'y a qu'un Allemand capable de faire ce petit drame et de vous émouvoir avec si peu. À voir cette pauvre Hélène attacher à son cou ses beaux colliers de perles, on dirait un reflet de Marguerite essayant l'écrin de Faust. Henri Blaze. Le roi aveugle. Pourquoi tous ces guerriers du Nord assemblés sur la grève? Que veut cet homme aux cheveux d'or, l'œil perdu dans un rêve? Courbé sur son bâton qui plie, il appelle à grand bruit et l'île à sa mélancolie répond toute la nuit. Rends-moi, brigand, rends-moi, ma fille captive en ce rocher. Son jeu si doux, sa voix gentille, seule pouvait me toucher. Tu l'as ravie au cercle blond du verdoyant rivage, que ta honte soit sans partage. Tu fais pencher mon front. Soudain s'avance hors de son antre le brigand fort et fier. Avec son glaive, il frappe au centre d'un large bouclier. Ta garde te doit mon supplice. Pourquoi souffrir ce vol? Main guerrier est à ton service, nul ne m'abat le col. Les guerriers gardent le silence, nul ne sort de son rang. Le vieux roi se tourne et s'avance. Suis-je seul à présent? Mais son fils, tout bouillant d'ardeur, serrant sa main ridée, laisse-moi prouver ma valeur, car j'ai longue coudée. L'ennemi, fils, est un géant hors de l'humaine atteinte, mais en toi boue un noble sang, c'est sûr à ton étreinte. Prends-moi donc cette vieille dague d'escalde, c'est le prix. Si tu dois succomber, la vague me creusera mon lit. Entendez-vous comme murmure la barque sur les flots? L'aveugle écoute et conjecture, muets sont les échos. Jusqu'à ce que sur l'autre rive, et le glaive et l'écu se croisent tes plis, et qu'arrive le râle du vaincu. Oh, dites-moi, que voyez-vous? Fait le roi plein d'ivresse. C'est mon épée, écoutez tous, c'est mon fer qui le blesse. Le brigand gît dans la poussière, il a son lot sanglant. Gloire au héros de la bruyère, d'un vieux roi fils vaillant. Et tout fait silence alentour. Le vieil aveugle écoute. Qu'entends-je venir à mon tour? La barque, plus de doute. Ils abordent les beaux enfants. Ton fils avec sa dague. Gonil, ta fille avec sa bague au reflet chatoyant. Soyez les bienvenus, s'écrie l'aveugle et beau vieillard. Ma vieillesse sera fleurie et fleurie mon brancard. Mon fils, tu mettras à ma droite ce glaive au son d'argent. Gonil, toi, sur ma couche étroite, chante le dernier chant. Ne croirait-on pas dans ce morceau lire un fragment retrouvé des anciens chants Herz, N. Martin. Le château du bord de la mer. As-tu vu le château du rivage, dont main rosée nuage effleure le créneau? Vers l'onde miroitante, il aime à se pencher, dans la nue éclatante, il voudrait se cacher. Oui, j'ai vu le château du rivage, la lune à son créneau, plus loin, main noire nuage. Les vagues et les vents jouaient-ils leur musique? Du fond des frais portiques venaient-ils de doux chants? Les flots et les zéphyrs dormaient dans le silence, jouit pour tout plaisir un chant de doléances. Vis-tu s'asseoir au trône la reine et son époux, flotter leurs manteaux roux, resplendir leurs couronnes? Conduisaient-ils en main leur jeune et belle fille, pure comme un matin, plus fraîche que leur mille? J'ai bien vu les parents, chacun avec un cierge, et sans nul diamant, je n'ai pas vu la Vierge. La jeune école de peinture de Düsseldorf a fait un beau tableau sur le sujet de cette ballade. Le jeune roi et la bergère. Dans ces délices de mai, ici dans la verte plaine, ici sous l'azur doré, de quel chant tressée la chaîne? Main flot bleu glisse sur l'onde, main nuage passe en l'air. Main baron à barbe blonde chevauche en habit de verre. Main zéphyr souffle aux cheveux, mainte fleur tend son calice, mainte bergère aux beaux yeux joue au vallon sans malice. Devant ses fiers compagnons, messire Goldmar caracole, manteau rouge sur l'épaule, avec couronne à fleurons. Le roi, qui veut être seul, soudain quitte sa monture. Il l'attache à fort tilleul et lui donne la pâture. Une source murmurante ruisselait sous le buisson. L'oiseau chantait sur sa pente, la fleur brillait au gazon. Pourquoi ces sons argentins, cette splendeur bocagère? C'est qu'au bord des flots mutins sied une belle bergère. Goldmar fait dans les halliers craquer l'herbe qui l'entoure. Des froids saisis, les béliers vont s'enfuir chez la pastour. Vive Dieu, sois bienvenue, beauté pleine de candeur. Si la crainte t'est venue, j'en ai regret dans mon cœur. Vrai, moi je n'ai point pâli, je me rends ce témoignage. Je croyais qu'un bengali effleurait l'or du feuillage. Si pour ma soif tu m'offrais des gouttes de ta bouteille, dans mon cœur j'en garderai la mémoire au nom pareil. À ce flacon tu peux boire, je ne laisse un homme à jeun, et rafraîchis un chacun, fût-il roi vêtu de moire. Pour puiser, elle se baisse, le laisse boire au flacon. Il l'envisage et s'empresse, cependant elle tient bon. Que de grâce sont tes manières, dit-il vaincu par l'amour. Avec ces fleurs printanières, tu sembles venu au jour. Mais sur ta face est empreinte une noble majesté. Telle s'offre à nous sans crainte la fille d'un roi fêté. Demande au berger mon père si jamais il fut un roi, ou bien demande à ma mère si du trône elle eut l'octroi. Il pose le manteau rouge sur son cou d'un air courtois, et la couronne ne bouge dans ses cheveux bruns de noix. La bergère avec fierté regarde et crie à voix haute « Vous fleurs, arbres de beauté, vous agneaux, saluez sans faute !» Et quand elle va lui rendre les joyaux d'un air riant, il les jette comme cendres au fond pur du flot bruyant. « Je te fille un diadème pour gage de mon amour, jusqu'au revoir de qui t'aime, après plus d'un mauvais jour. » Déjà bientôt 16 années, un roi dans les fers fumis, ses terres sont sillonnées par d'odieux ennemis. Je descendrai dans la plaine avec mes fidèles gens, car je veux briser sa chaîne pour qu'il renaisse au printemps. Je fais mes premières armes et ne veux perdre l'arçon. Dis, après les jours d'alarme, aurai-je de ta boisson? Je t'offrirai de l'eau bonne tant que ce flot n'aura fui, et te rendrai ta couronne aussi nette qu'aujourd'hui. Mon premier chant se démêle, le dernier nous reste encore. Un oiseau prend son essor, laissez voir où tend son aile. Je dois dire à grosse voix, combats et bruits de trompettes, quand j'entends son de hautbois et joyeux cris d'alouette. Je dois peindre en mes couleurs la mort, les tombeaux de marbre, et je vois pousser les arbres et s'émerveiller les fleurs. Je veux vous dire en deux mots ce que vous ne croyez guère. Goldmar était un héros, près des femmes comme en guerre. Il entre au bourg par assaut, il y plante sa bannière. Des souterrains du château, le roi sort gris de poussière. Soleil, vous, mon sourcilleux, vous champarez de richesses, vous gardez votre jeunesse, moi, je suis devenu vieux. Déjà commence la fête, pleine de transports touchants, mais qui n'y montra sa tête, je ne le dis en méchant. Et fussé-je même assis dans le cercle des convives, j'eusse tout donné gratis pour le vin aux forces vives. Ici le royal vieillard, je veux qu'on rompe une lance, que donner pour récompense ? Demande-t-il à Goldmar. Noble roi d'un beau royaume, je propose un prix piquant, au lieu d'éperon de haume, la houlette un agneau blanc. Dans la lice grande ouverte, il se dispute le prix qui jadis rendait alerte, main berger à ne fleurie. Goldmar, le guerrier vaillant, reste vainqueur de la reine et reçoit sous l'arc du chêne la houlette et l'agneau blanc. Et le généreux vieillard reprend ainsi la parole. « J'annonce une joute folle dont le prix sera gaillard. Une babiole, un jouet vain, n'est pas le prix que je donne. C'est ma plus riche couronne que la reine a dans sa main. Que d'ardeur dans les athlètes! Chacun se bat de son mieux quand on sonnait les trompettes. Goldmar est victorieux. Le roi trône sur l'ébène, entouré de chevaliers. Il ordonne qu'on amène Goldmar, la fleur des guerriers. Voici ce héros fêté. Sur la houlette, il repose, l'agneau blanc à son côté, dans des lacs de rubans roses. Une babiole, un jouet vain n'est pas le prix que je donne, dit le roi. C'est ma couronne que la reine a dans sa main. De la reine aux bruns cheveux, il écarte le beau voile. Goldmar, vers la vive étoile, ne veut point tourner ses yeux. Une reine en son salon n'a pouvoir de me séduire. Je ne prétends qu'à réduire la bergère du vallon. Elle aura, par privilège, la houlette et l'agneau blanc. Que Dieu toujours vous protège, dans la forêt je descends. Mais une voix claire appelle, il se croit dans les bosquets, où chaque fleur étincelle, où l'oiseau dit ses caquets. Comme il rebrousse chemin, la bergère lui fait face, des bijoux à maintes places, la riche couronne en main. « Sois le bienvenu méchant au milieu de l'assemblée, dis, veux-tu dorénavant fuir dans la verte vallée ? Prends donc d'abord la parure qu'engage, tu me laissas, je te paie avec usure, elle éblouit deux états. » À distance l'un de l'autre, ils ne restèrent longtemps. Ce qui suivit l'or séant, le dirais-je en bon apôtre ? Oui, si quelque jeune fille m'en prie, elle le saura, mais elle m'embrassera de lèvres roses et gentilles. Le comte Eberhard Barbe Sourde. Le chant s'est-il perdu dans ce pays de Souabe où résonnait la lyre au milieu des festins, ou s'il existe encore quoi ? Pas une syllabe des hauts faits des aïeux de leur brillant destin ? On siffle le couplet, on lance l'épigramme, on se rit de la femme étoile du vieux temps. Quand le héros dans l'ombre ajuste l'oriflamme, on passe à petits pas et l'on a peur du vent. Viens, brise ton cercueil, descends du sombre cœur avec ton noble fils illustre Barbe Sourde. Jusque en tes vieux jours tu sus montrer du cœur, fais briller à nos yeux ta longue hape lourde. L'invasion de Wildbad. Au beau jour de l'été, quand tiédit le zéphyr, que verdissent les bois, que jardins sont en fleurs, des portes de Stuttgart sortit un noble sire, l'antique Barbe Sourde, Eberhard le Grondeur. Avec peu d'écuyers, il entreprend sa course, sans casque, sans cuirasse et sans rouge étendard. Il chevauche à Wildbad, où bouillonne la source qui guérit le malade et jeunit le vieillard. À Hirsau, chez l'abbé, Messire met pied à terre. et boit au son de l'orgue un vin vieux de couvent. Puis à travers les pins, on gagne ventre à terre le val où dans le roc l'Enz court en écumant. À Wildbad, sur la place, est une maison rose qui porte pour enseigne une lance d'amour. Il descend de cheval, à loisir se repose et visite la source une fois chaque jour. Il quitte ses habits, garde un moment d'attente, puis sa prière dite, il plonge dans les flots en se plaçant toujours à l'endroit où les eaux jaillissent du rocher en nappe bouillonnante. Jadis, un sanglier qui lavait ses blessures, au chasseur découvrit la source de ces lieux. C'est un doux passe-temps au héros déjà vieux d'y laver et d'étendre un corps plein de coutures. Soudain vient à courir son plus jeune écuyer. « Comte, un gros d'ennemi débouche dans la plaine avec de gros gourdins et sur le bouclier rose rouge sur or et sanglier d'ébène. Mais ce sont les frappards, frappant dru sur l'échine. Donne mon juste au corps, c'est ici l'Eberstein. Je connais l'animal au courroux inhumain, je connais la rosette à la poignante épine. » Survient tout hors d'haleine un pâtre à travers champs. « Comte, un parti chemine au bas de la vallée. Son chef brandit en main un glaive à trois tranchants qui, comme un vif éclair, à ma vue ébranlé. Mais c'est le mon plaisir nommé le loup luisant. Donne-moi mon manteau. Cette clarté connue me réjouit fort peu. Cette flamberge est nue, ma dague à mon côté. Loup veut boire du sang. Effarouché fillette inclinée en son bain, c'est pure agacerie et ne nuit à personne. » Mais surprendre un guerrier dont le nom haut résonne, il y va de ma vie ou de mon argent fin. Voici, dit le berger, ce que je vous conseille. Je sais des trois chemins comme en corne à fouler. Le cheval n'y vient pas, la chèvre seule y veille. Je vous conduis par eux vers des amis ailés. Il grimpe au fourré d'une raide montagne. Avec sa bonne épée, il se taille un chemin. Il trouve que c'est dur de fuir vers la campagne. Il voudrait s'escrimer, il est fort grâce au bain. À l'heure de midi, par mont et par vallée, déjà le comte appuie un bras sur la poignée. Le berger prend pitié du bon et vieux seigneur, il le met sur son dos. Je le fais de bon cœur. Ah, c'est vraiment bien bon, se dit le vieux grondeur, de se sentir porté par un garçon fidèle. Le peuple dans la peine a bien de la grandeur, ne renversons jamais le vieux droit, son modèle. De retour à Stuttgart, il veut que son graveur lui frappe une médaille au gré de l'aventure. Il donne maintes pièces au pâtre, son sauveur. Au frappard, il en donne une caricature. Il envoie à Wildbad, main maçon fort habile, pour construire des murs tout autour de la ville et pour que tout vieillard, les étés à venir, puisse exempt de danger au bain se rajeunir. Les trois rois à Heimsen. Trois rois dans ce Heimsen, qui l'aurait jamais cru, avec des chevaliers, des chevaux par centaines. Des bons frères frappards, ce sont les capitaines, mais s'appeler des rois, ce n'est pas aussi cru. Ils siègent sur le trône et tiennent en conseil, ils cherchent des moyens, méditent des faits d'armes, pour saisir le grondeur au milieu du sommeil et mieux que dans le bain, exciter ses alarmes. Ils le mettront sous clé et détruiront ses bourgs tant que de toute gêne il quitte la noblesse. Adieu, Ligence, alors, et vive les beaux jours. Libre, le chevalier se donnera liesse. La nuit a propagé le sommeil, son doux charme, mais voici que les coqs annoncent le matin. Déjà le cor du guet retentit au lointain. Debout, debout, dormeur, le cor sonne l'alarme. Dans l'ombre et le brouillard, comme une vaste mer, flottent les bataillons autour de la villette. On retient son haleine et l'on croise le fer. Les cavales s'ébrouent et craignent la molette. Et quand rougit l'aurore et tombe le brouillard, comme brillent partout dards légers et lances lourdes, les manants du canton lèvent leur étendard. Au milieu d'eux se tient l'antique barbe sourde. Les frappards, épargnant le château déjà vieux, ne jettent de leur tour que la pierre et la flèche. « Parlez, dit le grondeur, on vous la fera fraîche, on chauffera la cuve à vous brûler les yeux. » La paille et le bois sec autour de la muraille sont entassés par couches et recouverts de poids. Ils tirent dans les tas, comme vole la paille. Ils y lancent le feu, comme flambe le bois. Et des munitions ont agrandi le compte. Les paysans actifs attisent le brasier, tant que toujours plus haut la flamme rampe et monte, et craquant à plaisir atteint jusqu'à l'archer. Une porte était libre, ainsi fut ordonné. On pousse le verrou doucement, à sa guise. Sans doute ma frappard si rue en vrai damné. Non, l'on vient, pacifique, ainsi que vers l'église. Et d'abord les trois rois, à pied, tout humblement, la tête à découvert et les yeux sous le haume, puis seigneurs et valets, tout doux, homme par homme. On pouvait les compter et les voir longuement. « Soyez les bienvenus, » dit le grondeur enfin. « Je vous prends à propos, illustre aéropage. Je vais rendre un service aux visiteurs du bain. Mais il manque quelqu'un. Mon plaisir, c'est dommage. » Un petit paysan qui donna main bon coup s'appuyait sur sa pique. Il sourit et s'écarte. « Trois rois dans ce Heimsen, » dit-il. « Mais c'est beaucoup. Un de plus retourné, ça fait un jeu de cartes. » La couleur des ballades qui célèbrent les hauts faits d'Eberhard de Württemberg trahit une étude attentive des Nibelungen. Je pars. Bertrand de Born. Voyez sur ce roc escarpé brûler ce brillant domaine, et devant la tente du roi ce seigneur lié de chaînes. C'est toi qui, du glaive et des vers, révolta toute la plaine, et contre un père malheureux d'enfants excita la haine. Il est à moi qui se vantait d'un ton plein de hâblerie d'avoir toujours partout, de trop, la moitié de son génie. Or la moitié te sert de peu. Dis au tout à litanie pour qu'il relève ton château et t'arrache à la vanille. Comme tu dis, messire et roi, c'est Bertrand le pauvre air, dont la servante mit en feu Ventadour et l'Angleterre, dont la vue au cœur de Henri enfonce une épine amère, pour l'amour de qui tes enfants ont su braver ta colère. Ta fille était dans le château d'un duc noble fiancé. Mon courrier chanta la chanson à mon ami adressée. Il chanta la chanson d'amour qu'elle a jadis caressée, jusqu'à ce que, sur ses bijoux, maintes larmes elle eût versé. Cependant, sous les oliviers, ton meilleur fils te surveille. Moi, par des champs pleins de courroux, je tourmente son oreille. Vite, on lui sangle son cheval, il faisait déjà merveille, quand une flèche de Montfort le rencontre et l'ensommeille. Saignant, il gisait dans mes bras. Quitter la douce lumière lui coûta peu, mourir maudit lui fit peine singulière. Par-delà la mer et monts et veaux, il voulut prier son père. Enfin, il me serra la main dans une étreinte dernière. Comme la tour de Hautefort se brisa mon énergie, il ne m'en resta la moitié pour chasser ma léthargie. Mon bras est facile à lier quand est captif mon génie. Il n'a retrouvé sa vigueur que pour dire une élégie. Le roi alors abaisse les yeux. Au fils tu donnas des armes, à la fille tu pris son cœur, et le mien tu le désarmes. Serre-moi la main, de mon fils je veux finir les alarmes. Abbas et fers, ton grand esprit m'a fait répandre des larmes. Dans Bertrand de Born, l'idée toute chrétienne de pardon obtenu, de rédemption, se reproduit sous une forme austère et poétique. L'absolution vient d'un roi, dans le gallois, d'Uland aussi, elle émane de Dieu. Henri Blaze,